Activité 4, page 21, piste 13. A. J'organise une fête. Vous venez? B. Est-ce que tu viens? C. Elle vient à quelle heure? D. Désolé, nous ne venons pas.